Diffonde dans le salon. 89. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Simon Fitzbay nous parle des mythes du rock. Émilie Gauthier nous parle de plein air. On parle aussi des nouveautés CD. Tout ça tout de suite à Assemblage Requis. Ouais, c'est la journée du coming out pour ça, le drapeau. Hein. Ouais. Hey, bonjour, bienvenue à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Il s'appelle Kiwan. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et Kiwan a passé une grosse fin de semaine dans le bois. Oui, est-ce que ça paraît avec mes cernes en dessous des yeux, ma barbe pas faite? Je trouve que ça te fait bien, moi. C'est un beau petit look. C'est gentil. Ouais. On va en parler tantôt en grand détail, j'en suis sûr. Sûrement. Hein? On va aussi recevoir Simon Fitzbay avec sa chronique des mythes du rock'n'roll. Aujourd'hui, il nous parle de Ozzy Osbourne et des mythes qui l'entourent. Aussi, on va recevoir Émilie Gauthier qui fait une fête sa chronique plein air, comme à chaque mardi. Elle va sûrement nous imiter des criquets encore une fois. Je pense que non. On va aussi faire les nouveautés musicales avec Kiwan. Ouais, quelques trucs intéressants qui ont retenu mon attention aujourd'hui. Et moi, je vous ai préparé une chronique technologique CNX sur les gadgets aujourd'hui. Ça, c'est dans une vingtaine de minutes, ta chronique technologique CNX, mais pour tout de suite, on va s'en aller en musique avec Yann Perrault. Voici une nouvelle entrée du palmarès francophone, c'est L'amour se meurt. Vous êtes à Assemblage Requis? Sur les ondes du 89.1 FM. Oui, c'est la radio campus de Trois-Rivières. J'entends les échos au salon. Le chant de bataille fume. Le son des clairs en pleurs, la lune cachée, l'amour se meurt. C'est la fin de l'amour, crucifié de bonté tardive. L'amour se meurt. Oh, trop écorché. Labor EP, c'est le nom du maxi de la formation Tireless Sedans. C'est bien ça? Non, le groupe, c'est Parts and Labor. OK. Même si leur MySpace, c'est barre oblique Tireless to Dance? C'est... Oui. D'accord. C'est un petit peu louche. Oui. C'est un peu bizarre. C'est la pièce Stretch. Très bon. Vraiment, là, super. Kiwan, non seulement entre 15h et 17h, il y a Assemblage requis. On sait c'est la meilleure case horaire avec la meilleure émission. Mais il y a d'autres choses qui se passent ailleurs. Ben, sur d'autres médias, oui, effectivement. Il y a entre autres à la télé une émission qu'on aime beaucoup, mais qu'on n'a pas le temps d'écouter depuis qu'on anime cette émission-là. Donc, on se contente de lire le résumé à chaque semaine. Et puis, tu vois, c'est dur pour moi de faire semblant d'être un vrai fan de l'émission Les Feux de l'amour, parce qu'à chaque semaine où je lis le résumé de l'émission, je reconnais jamais les noms. En fait, c'est jamais les mêmes noms. Il y a tellement de personnages dans cette émission-là. C'est fou, regarde, cette semaine, Jack aimerait bien savoir si Billy et Brittany ont des problèmes. GT pense que tout est fini entre Mac et Billy. Brad est optimiste, le retour de sa fille Colleen pourrait se rapprocher. Et pourrait rapprocher Tracy et Ashley. Donc là, j'ai nommé à peu près 12 noms là-dedans. Ouais. On sait pas pantoute c'est qui, puis il me semble que c'est jamais les mêmes à chaque semaine. Bref, vous faites un bon choix en n'écoutant pas cette émission présentement. Félicitations. Ouais, on dirait tous des noms de chiens aussi. Ouais. Ouais. Bref. Billy. GT. Ouais. Ashley. Colleen. Tracy. Bon. Tracy! T'as ton... OK. Vous êtes à l'Assemblage requis jusqu'à 17h. Kiwan, tantôt, on parlait en début d'émission qu'on avait un drapeau en studio. Il faut en parler. Je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'était la journée nationale du coming out très récemment. En fait, c'était le 11 octobre. Ça, c'était avant hier. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même pas si connu. Il faut pas le confondre non plus avec la semaine de la fierté gay qui a lieu l'été. C'est vraiment un événement à part. Puis je trouve que peu de gens sont au courant en fait de cette journée-là, qui est vraiment la journée du coming out. Absolument, il faut en parler. Donc c'était comme je le disais dimanche. C'est célébré pas mal partout dans le monde. Il y a des endroits où c'est différent. Il y en a que c'est le 12 octobre, dont le Royaume-Uni. Bref, c'est une journée pour la conscientisation du coming out, de la discussion sur les affaires gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres. Tous ces sujets qui se rattachent à ça. C'est observé par les membres de la communauté et ceux qui sont amis avec eux, si on veut, leurs alliés. Les appelle. Donc, ça a été fondé en 1988 par Dr. Robert Eichberg, son partenaire William Gamble, et par Gene O'Leary, de la part, en fait, qui agissait pour leur organisation, le The Experience in National Gay Rights Advocates. Hein? C'était pour célébrer la deuxième marche nationale à Washington pour les droits des lesbiennes et des gays. Donc, c'est un an plus tôt que ça avait eu lieu, donc en 87. 500 000 personnes c'était promener, on marchait à Washington, D.C., aux États-Unis, pour l'égalité des gays et lesbiennes. Sinon, ça dit aussi que c'est observé bon, aux États-Unis, c'est The Human Rights Campaign qui s'occupe de cet événement-là. Ils offrent des ressources pour les personnes de la communauté, mais aussi leurs amis, les gens de leur famille, etc., pour aider à conscientiser la population là-dessus. C'est Candace Gingrich qui est devenue la porte-parole pour cette journée nationale du coming out en avril 1995. Et malgré son nom, National Coming Out, ben c'est partout dans le monde. Donc, célébrons. Et parlons-en en masse. On n'en parle jamais assez. Oui, donc maintenant, vous saurez si vous croisez quelqu'un aujourd'hui, identifié soit aux couleurs d'arc-en-ciel ou... c'est quoi les autres signes? Ouais, c'est il n'y a pas juste l'arc-en-ciel. Le triangle rose, c'est pour les hommes gays. Il y a le triangle noir pour les femmes, donc lesbiennes. Et puis la lettre grecque, le lambda. Et puis évidemment, l'arc-en-ciel dans les bijoux et dans les vêtements, c'est ce qui est encouragé. Pendant les prochains jours, là, c'est pas parce qu'il y a juste une journée, le 11 octobre, qu'il faut... Non, c'est juste... ça. Ça revient toujours à la question de pourquoi on doit avoir une journée pour telle et telle personne ou groupe. Donc, c'est sûr que c'est plate. Ça prend ça, des fois, pour souligner certains groupes ou peu importe. Mais ça reste quand même une question qu'on peut soulever à l'année. Là. Exactement. Il y a d'autres événements qui se passent pendant le reste de l'année, des parades ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas juste une journée, au moins. Quand même. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 17h, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Plus tard, il y a la chronique technologique CNX et aujourd'hui, on va parler de gadgets. Mais avant ça, on retourne en musique et voici Gold Lion des Yeyes. Vous êtes à Assemblage requis? Sur C'est fou. 89. Gold Lion, there was a crowd of seeds inside, out. Les Yeah Yeah Yeahs et la pièce Gold Lion à Assemblage requis au 89.1 FM. C'est fou avec Kiwan et Mathieu. Maintenant, avant de continuer avec d'autres musiques dont Chinatown, on reçoit Alexandre Gauthier qui vient nous parler du Happening des Patriotes. Ben oui, bonjour les garçons. Salut. Bonjour. Hey, je suis content d'être à votre émission. J'écoute tellement ça souvent là, que là, c'est comme un rêve d'enfance depuis le début de la session. De rencontrer Kiwan et Mathieu. Tout à fait. Là, wow. Les gars derrière les micros, ils sont très beaux pour ceux qui ne les voient pas parce qu'ils sont pas en studio présentement, c'est-à-dire la totalité de vos auditeurs. Genre tous, oui. Sauf toi, parce que tu es dans nos auditeurs. Tout à fait. Tu nous vois. Bon, donc le Happening des Patriotes, Alexandre, c'est quoi ça? Ben oui, c'est ça, c'est demain que ça se passe. C'est mercredi, donc le 14 octobre, ça se passe à l'UQTR. Donc, c'est un peu, on veut recréer l'engouement qu'il y a donc, sur les campus des États-Unis. Il y a tout le temps des gros engouements. Là, on voit ça dans les films autour des équipes sportives. Là, les gens se déguisent, ils se marquent des affaires sabedaines. Ouais. Puis il y a des tailgates avant où est-ce que le monde mange du barbecue, font des snaps sur le mur. On veut recréer cette espèce d'ambiance festive-là de campus attardé américain. On veut recréer ça à l'UQTR pour un événement, c'est le party de mi-session, parce que là, on est la semaine avant les examens. C'est le mercredi, donc il y a déjà une tradition de party les mercredis un peu à l'UQTR. Donc, on va profiter de ce moment-là pour organiser la première et non pour la dernière, non, on imagine qu'il y en aura ouais, d'autres, mais la première édition du Happening des Patriotes, donc ça commence vers 3 ou 4 heures l'après-midi avec un tailgate, donc il va y avoir justement là, de l'animation, des hot dogs, des trucs comme ça. S'il fait pas beau, on va faire ça dans la chaise galerie. S'il fait beau, on fait ça à l'extérieur. On le souhaite. On le souhaite. On souhaite qu'il fasse beau. Ouais. Mais donc ça, tailgate et tout ça, et à ce moment-là aussi, on va dévoiler, il y a un jury qui va dévoiler l'association qui gagne le concours de l'association la plus fan, parce que toutes les associations durant la journée vont devoir faire des épreuves comme sur le campus, des parades sur le campus, des trucs comme ça, pour montrer leur attachement profond et viscéral envers leur équipe de hockey. Et l'équipe gagnante va être les VIP durant toute la soirée, donc il y a un paquet de prix qui les attendent jusqu'à 2h du matin. Et donc ça, le dévoilement va se faire durant le tailgate. Ensuite de ça, il y a une navette qui va venir là, jusqu'à la chasse-galerie, comme quasiment dedans. Là. On prend les gens, on les amène à l'aréna. Comme ça, ils peuvent boire et ne pas conduire. Pour ceux qui veulent marcher, on va avoir des plans qu'on a fait imprimer sur Google Maps pour comment se rendre à l'aréna. C'est pas très loin, mais il y en a qui viennent pas de Trois-Rivières. Donc, des fois, on peut se rendre aussi par ses pieds. Il y a un match de hockey là-bas. Ils rencontrent l'équipe de Concordia. La dernière fois qu'ils sont venus, ils leur ont gagné. Ils ont bien gagné. Donc, on espère pouvoir, après ça, après ce match-là, se retrouver pour le party de la victoire au 10-12. Donc, c'est une soirée 10-12 dans laquelle il va y avoir une présentation des joueurs de l'équipe des Patriotes. Donc, mesdames, préparez-vous à hurler comme vous n'avez jamais hurlé. Il va y avoir beaucoup de choses comme ça, des drinks spéciales style Patriotes. Ça, je sais pas ça va être quoi, mais il va être vert. Donc, c'est pas moi qui le prépare. Mais donc, c'est ça, il va y avoir un paquet de surprises. Ça va vraiment être une activité intéressante. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que souvent, les parties de mi-session, trucs comme ça, c'est une association, mettons, qui l'organise. Mm-hmm. Puis chaque association organise ses trucs. Là, c'est vraiment une activité qui touche tout le campus, puis à laquelle beaucoup d'associations sont en train de se préparer justement pour le défi demain. Donc, il va y avoir des défilés sur le campus dans la journée, puis tout ça. Donc, il y a eu beaucoup d'associations qui, des fois même, sont pas nécessairement les premières à aller dans des parties, des choses comme ça, mais à cause de toute l'idée de le hockey, puis aussi c'est important, on a des équipes sportives à l'UQTR, puis souvent on les connaît pas, puis maintenant c'est gratuit cette année, tous les matchs sportifs, donc c'est vraiment une occasion là, d'aller voir son équipe jouer. Donc c'est ça, le GE, on s'est dit qu'avec les Patriotes, on pourrait organiser cette activité-là, la mi-session, pour mobiliser tout le monde autour d'un événement festif. Moi, c'est une très bonne... Puis d'ailleurs, C'est Fou est partenaire, hein? Merci beaucoup, C'est Fou, qui fait jouer des capsules, qui nous invite, qui participe beaucoup, puis cette alliance-là qui s'est créée, justement, va se reproduire, là, j'imagine, dans le futur. On attend de voir les centaines de personnes demain pour confirmer. Là. La pression un peu, hein? Quand même, de l'autre côté. Sinon, je trouve que ça va créer ça pourrait très bien créer un engouement, puis j'aimerais ça que les gens continuent à créer leur propre tailgate, peut-être les semaines d'après. Ce serait le fun que le monde commence à s'attacher à leur équipe, là, plus oui, que... Mais l'idée, c'est que les associations, après, vont pouvoir se l'approprier, en fait. Ils n'auront pas besoin qu'on recrée la... T'sais, ils n'ont pas besoin du happening, en fait, pour aller se faire un tailgate à chasse-galerie. C'est pour les pousser un peu à commencer. C'est ça. On se dit, on va créer le premier événement, puis le reste va découler. Puis à chaque année, peut-être pour la mi-session ou à peu près, tu sais, ce genre d'activité-là pourrait être assez intéressante sur le campus. Puis on pourrait peut-être, justement, là, avoir pendant une soirée là, l'espèce d'ambiance là, délirante qu'on retrouve sur certains campus là, des États-Unis. Déchaîné. Donc c'est demain. À partir de quelle heure? Ça commence vers 3 heures à peu près, puis ça va se passer là, à la chasse-galerie comme ça. La game commence à 7 heures, donc les autobus, à partir de 6 heures, vont commencer à amener les mondes à l'aréna. Puis leur match, ça dure quoi, à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc pour 9h30, 10h, on va revenir ici. En autobus? Il va y avoir aussi, en autobus toujours. Okay. Et on va avoir une soirée là, au 10-12, les plus électrisantes et patriotes. Comme à tous les mercredis. Oui, mais... Ça va sentir bon le lendemain quand même. Il va y avoir des drinks verts. Chose qu'il n'y a pas d'habitude le mercredi. Non, peut-être à la Saint-Patrick. Oui, tout à fait. Ça donc, ça va être comme pour les amateurs de Saint-Patrick, ça n'a pas manqué. Bon. Ceux qui cherchent une raison de plus pour boire et puis tout ça. Ah oui, aussi. Donc, demain. Merci excellent. Beaucoup. Ben, merci beaucoup, les garçons. Merci à toi. Puis qu'est-ce qu'on s'en va écouter comme musique? Ah, ben, quelle bonne question. On s'en va entendre du Chinatown. Chinatown avec la pièce Pénélope qui est la nouvelle entrée du palmarès franco. Bon, j'avais toujours rêvé de faire ça. Annonce-la. Oh, on s'en va écouter Chinatown avec la chanson Pénélope. Il fait ça comme s'il y avait déjà animé à radio. Sur quelle station? Sur C'est Fou 89.1. C'est Fou dans tes oreilles. Oh! Ouais! C'est fort. Pour toi, mon amour, une longue vie. Pour nous, mon amour, plus jamais d'ennui. Plus jamais d'ennui. Jamais d'ennui. Car pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Oui, pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Et nous deviendrons riches. Talking to myself and down to the floor. Taking to the brink, we asked for. The Mannequin et la pièce Bad Medicine à Assemblage Requis. Maintenant, c'est l'heure, comme tous les jours, de la chronique technologique. C'est NX. Non, non, non. Refais-moi ça, Kiwan. Je trouve que tu l'as pas dit avec le X assez prononcé. C'est NX. Hey, ouais. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on parle de gadgets, des gadgets stupides ou utiles, dépendant du cas. Et pour Kiwan, ben... Ou les deux. Kiwan et les deux, c'est comme un mini-wheat. Ben, des fois, c'est utile, la stupidité. Ça arrive. Ah, ben, donc, Assemblage Requis, ça va être un succès monstre, c'est ce que tu veux dire. Ça pourrait devenir un incontournable. Ouais. Commençons avec un T-shirt qui annonce votre état d'esprit. Hein? Le blog Branchez-vous Gadget dit « Trop occupé ou trop grognon pour expliquer à autrui pourquoi vous êtes si joyeux ou si grognon. » Ben, assurez-vous au moins que tout le monde le sache dans quel état d'esprit vous vous trouvez grâce à un T-shirt lumineux qui affiche l'émoticône de votre choix. Celui-ci est programmable en ce sens qu'il peut afficher un visage souriant, triste, clignant des yeux ou surpris selon ce que son porteur lui demande. Il sera officiellement lancé en novembre et produit par une compagnie britannique. Donc, à moins d'être prêt à en commander au moins une douzaine, il va falloir sans doute attendre au moins jusqu'en décembre et peut-être jusqu'au printemps avant de le voir dans les boutiques de cadeaux québécoises. Donc, sinon, ça va être par importation. Ça coûte environ 50$ chez Thumbs Up UK. C'est pas pour les gens très spontanés, par contre. Hein? Non, hein? Sinon, t'es obligé de te changer à mesure que ton humeur change. Non, il faut que tu changes le petit... Je sais pas, ouais. Moi, ça dit pas si tu peux programmer le... Je pense que c'est comme... tu peux programmer les lumières qu'il y a dessus. Okay. Donc, peut-être que t'as juste un T-shirt à acheter. C'est programmable. Mais quand même, faut changer. Ouais, c'est ça. Faut quand même adapter, là... Son humeur. C'est ça, ouais. Ouais, ben c'est ça. Faut que tu te dises, ah, je pense que là, je suis heureux assez pour le marquer sur mon chandail. Mm. Ouais, bref. Le fabricant sud-coréen LG Electronics, LG, annonce le lancement d'un nouveau téléphone portable écologique composé de matériaux recyclables et rechargeables à l'énergie solaire. Une exposition de 10 minutes permet au POP, c'est le nom du téléphone, d'assurer un peu plus de 2 minutes d'autonomie en conversation, donc 10 minutes de rechargement pour 2 minutes d'autonomie, c'est quand même long. Après son compatriote Samsung qui a présenté son téléphone solaire, le Blue Earth, en février dernier, LG lance donc à son tour un mobile écologique. Il s'appelle légalement le LG POP GD510. Et c'est doté en option d'un couvercle de batterie doté de cellules photovoltaïques. Exposée pendant 10 minutes au soleil, la coque de l'appareil permet donc de recharger la batterie pour offrir une autonomie de 2 minutes 15 secondes en conversation et jusqu'à 180 minutes en veille. LG va encore plus loin dans son approche écologique en dotant le POP d'un calculateur pour permettre aux utilisateurs de savoir de combien ils ont réduit leurs émissions de CO2 en utilisant la batterie solaire de leur téléphone. Donc, moi, je suis vraiment très ignorant là côté énergie solaire, mais donc, ça veut dire qu'une batterie solaire, c'est plus écologique qu'une batterie ordinaire. Ah! Parce qu'il y a quand même une batterie, là, parce que ce qui est dommageable, entre autres pour l'environnement dans un cellulaire, c'est le résidu de la batterie, tu sais, un coup que le cellulaire est plus bon, mais il y a quand même une batterie dans un téléphone à énergie solaire. Là. Ben, ils ont pensé à ça. Le téléphone est composé de matériaux respectant les directives européennes qui interdisent les substances dangereuses telles le plomb, le mercure ou le polybromobiphényl. Ah. Et il contient aucune trace de PVC, donc oui, il y a une batterie. Je comprends bien, mais qui se recharge par énergie solaire, donc ça doit durer plus longtemps. Une batterie qui serait plus écologique donc dans sa confection. Et voilà. D'ailleurs, d'ici 2012, LG prévoit de réduire la quantité de gaz à effet de serre émis par ses produits à un niveau de 15% inférieur à celui de 2007. Et puis, côté technologie, il dispose d'un écran tactile de 3 pouces, un appareil photo de 3 mégapixels, un lecteur MP3 et une mémoire interne de 8 gigs. C'est par la compagnie LG. C'est l'automne et vous vous sentez de mauvaise humeur. Votre voisin de bureau est toujours aussi fatigant. Donc voici une charmante petite invention qui va lui régler son compte à ce gars-là. Selon le blog Branchez-vous Gadget, successeur de l'étonnant Annoyatron, Eviltron est un petit gadget de la taille d'une pièce de 25 cents qui se cache à peu près partout grâce à son aimant intégré. Une fois caché, il émet à intervalles plus ou moins irréguliers l'un de 5 effets sonores agaçants comme un rire sinistre, un râle d'agonie ou un craquement inquiétant. Le secret de son succès, les bruits sont toujours juste assez longs pour déranger, mais pas assez longs pour que la victime puisse facilement en retracer l'origine en suivant le bruit. Et au cas où vous auriez peur que le Eviltron fasse défaut avant que le châtiment ait été appliqué jusqu'à la fin, sachez que sa batterie dure plus d'un mois. C'est environ 10$ chez ThinkGeek. Va t'énerver toi avec ça un jour. Un jour, je te rai, Kiwan. Je prendrai ma revanche. Ta revanche? Pour tout ce que tu as fait. Je sais pas, t'as-tu fait quelque chose? Je pense pas, là. Non, mais ça dit pas, par contre, c'est pas un truc pour si vous trouvez votre... Parce qu'en fait, si vous trouvez votre voisin fatigant, c'est peut-être parce que c'est lui qui a ce gadget-là. Donc, votre collègue, là. Donc, ça donne pas vraiment le truc pour la personne qui trouve vraiment son collègue fatigant. Il y a une petite lacune ici, là. Lorsque tu étais petit, Kiwan, ton papa, ta maman, a peut-être essayé de fixer de minuscules roues d'entraînement à l'essieu arrière de ton premier vélo, histoire de t'aider à garder l'équilibre et de minimiser les chances de te péter la margoulette. Hein? Ça, c'était hier. Pas hier littéralement, mais c'était dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a Gyro Wheel, une roue dotée d'un gyroscope que l'on installe à la place du pneu avant du vélo et qui élimine le besoin de roues d'entraînement. On peut régler la Gyro Wheel pour offrir différents niveaux de stabilisation en commençant avec une assistance maximale la première fois que l'enfant monte sur le vélo et en réduisant celle-ci lorsque le vaillant pilote démontre une plus grande maîtrise de sa monture. C'est disponible en modèle de 30 cm, ça va l'être du moins d'ici la fin de l'année, et en modèle de 40 cm dans un futur plus ou moins rapproché pour une centaine de dollars. Mais concrètement, ça ressemble à quoi un gyroscope? Ah, ça ressemble pas mal à une roue, là, selon la photo. Là. Ça paraît pas tellement qu'il y a un gyroscope à l'intérieur, mais... Okay. Bref, ça te garde en équilibre, ça te tient debout, un peu comme un Segway. Okay. Le véhicule Segway que tu peux... Comme un genre de unicycle. Comment t'avais ça, un vélo à une seule roue, déjà? Un unicycle? Je pense que c'est un unicycle, en tout cas. C'est pas littéralement ça, mais bon. Dans ce cas-ci, c'est un vélo normal avec deux roues, là, mais tu te tiens debout à cause de ça. C'est fun. OK. Le prochain gadget pourrait être pratique pour ceux qui construisent des choses. Hein? C'est un fer à souder portatif qui fonctionne par USB ou par une pile de 9 volts. Donc, avec une seule prise USB, il va aller jusqu'à 200 degrés Celsius ou 300 degrés si on branche les deux prises USB ou même 500 degrés si on utilise la pile 9 volts, donc une pile carrée qu'on met sur les petites prises sur le côté de ce patente-là. Ça inclut même une lumière. Hein? Je sais pas pourquoi tu as besoin de la lumière, bon, peut-être pour t'aider dans ta précision. Ça coûte 28$ et ça devrait être disponible très bientôt sur le magasin de Tankco. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Ma question, c'est plus pourquoi avoir besoin d'un fer à souder portatif. Mais là, une fois qu'on répond à cette question-là, j'imagine qu'on répond à la question de la lumière aussi. On répond à la question de la vie, en fait. Il y a bien des choses qu'on n'a pas besoin, mais qu'on les achète pareil. Hein? Parce qu'on a de l'argent un peu. On va terminer, tiens, avec quelques petits gadgets en rafale. Il y a des souliers GPS, donc des souliers qui fonctionnent par Bluetooth et qui disent à vos amis où vous êtes. Et les souliers ont un drôle de look, là, ça fait très futuriste. Allez voir la photo et allez voir les renseignements. Vous pouvez vous précommander une paire pour 150$. Un truc pour remplacer le trou dans votre porte. Ben, tu sais, ça reste un trou, mais il y a une caméra, donc tu peux voir la personne qui est de l'autre côté. Et il y a un écran de 1.3 mégapixels, 10 secondes pour identifier qui est la personne, deux piles 2A qui valent environ 1700 regards, donc à travers le trou, à 10 secondes la fois. Ça coûte 180$. C'est bien. Quand même cool. Un cube Rubik, ça s'appelle le Rubik's Touch Cube. C'est fait par la compagnie qui fabrique les cubes Rubik. C'est à la place d'avoir de tordre vraiment le cube Rubik, c'est des écrans lumineux qui apparaissent. Donc tu glisses ton doigt pour faire rouler le côté. Tu sais comment ça marche un cube Rubik. Hein? Tu fais glisser ton doigt et ça fait tourner les couleurs sur les petits écrans. Donc c'est vraiment cool d'aller voir la vidéo pour en savoir plus là-dessus. Et puis une montre qui affiche les chiffres sur votre main avec des petits lasers. C'est un concept pour l'instant. Montre laser, très très beau, allez voir ça. Et puis une caméra qui fait non seulement des photos normales, mais en plus, si tu mets l'appareil sur une feuille de papier et que tu appuies sur un bouton, ça va faire une genre d'impression de la photo, mais en picot. En genre de petits points noirs sur la feuille. Donc, tu mets ton appareil sur la feuille, ça fait des petits points. Ça fait une très belle image artistique. Donc, allez voir le punch, genre punch camera, sur assemblagerequis.com. Parfait, on va aller visiter l'assemblagerequis.com. Beaucoup de gadgets vraiment stupides, mais en même temps, moi, j'y veux tous. Pas mal toute la gang. Plus c'est inutile, plus t'en as besoin. C'est ma vie, ça. Tu viens de résumer toute ma vie en une seule phrase. Tu finiras dans les dictionnaires, dans les petites pages roses de citations un jour. Sûrement. Ou bleu, peu importe la couleur. Mm-hmm. Bon, donc voilà pour la chronique technologique CNX. Il y en a une autre demain vers les 15h20. Elles sont compressées en un seul et même fichier. Et qui est diffusé les lundis matins sur les ondes de C'est fou ici au 89.1 FM. Ça s'appelle CNX.zip et c'est à 10h les lundis matins. Soyez-y, j'y serai. Pour l'instant, on va continuer en musique, Mathieu, avec un artiste qui va venir nous visiter bientôt. La semaine prochaine, Ian Kelly va être en studio avec nous. Son nouvel album s'appelle... Ben, en fait, c'est pas un nouvel album, pas en tout, là. J'ai inséré un mot de trop. Son album s'appelle Speak Your Mind.

jamais passé à la méthode Coé. Entre ton album en hommage à Barbe Livien et ta reprise d'antisocial avec Muriel Robin cette année, ça va pas se passer comme ça. D'abord t'as un micro ring pour toi, tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmer et Lara. T'espères au moins qu'on te voit bien, t'espères au moins qu'on te cadre bien, t'espères au moins que sur le refrain c'est toi qui tiens. Mimi Mati parle à ma vie. C'est l'année de ta vie, t'as kidnappé Cabrel, Obispo et Fiori. Avec la moustache, le crâne rasé, l'accent corse, même Goldman saura enfin qui est le boss. Oui, depuis aujourd'hui, c'est ton année à toi. T'as injecté Azenati, une seringue d'Ebola. T'as offert de l'anthrax à Hélène Segarra. Et s'il faut aller jusque là, tu partageras la loge d'Elsa. T'espères au moins qu'on te voit bien, t'espères au moins qu'on t'aime bien, t'espères au moins sur le refrain, c'est toi qui tiens. Où est les gars ou par la main. Toi tu files un vrai rancard à ceux qui comme toi ne sont plus rien. Sans actualité, sans médias, sans public, sans rien. T'espères au moins qu'on te voit bien, t'espères au moins qu'on te paye bien, t'espères au moins que sur le refrain c'est toi qui tiens. Coluche par la main. Les Fatal Picard, et c'est l'histoire d'une meuf dans Assemblage requis au 89.1 FM. Fatal Picard, qui est un autre groupe qui fait partie de la gang de J'étais pas sûr au début et maintenant j'adore. Ouais. Vraiment cette pièce-là, musicalement surtout, là, mais vraiment très très bonne. Ben moi j'en ai entendu une ce matin à l'émission La pilule du lendemain qui était vraiment très bonne. Parce qu'en fait, ce que je savais pas, en fait, ce que j'ai découvert, j'en avais déjà parlé ici, c'est que les Fatal Picard sont pas mal connus en France pour leur côté humoristique, mais ça paraît pas trop, hein, quand on écoute les pièces, en tout cas à date, qui ont été dans le palmarès, ça c'est fou, c'est de la musique plutôt engagée. Mm-hmm. Puis la pièce que j'ai entendue ce matin... Mon père était tellement de gauche. C'est ça, c'est à la fois drôle, ça se prend pas au sérieux, c'est ludique, puis en même temps, c'est une critique sociale, c'est une pièce engagée, donc là, on retrouve vraiment les deux côtés des Fatal Picard, c'est une très bonne pièce. Ouais, on aime ça. Comme je disais, vous êtes à Assemblage requis, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Maintenant, ben, on va se découvrir un petit peu de musique avec l'aide de Kiwan. Oui, il n'y a pas vraiment pas tant de découvertes qu'on va faire aujourd'hui, non. Parce que ce qui a retenu mon attention, il n'y a pas de grande sortie d'album aujourd'hui. Beaucoup de groupes américains, de groupes un peu cock-rock américains, je dirais. Cock-rock. Qui n'ont pas tant retenu mon attention. Mais en tout cas, il y a l'album de Polyp. Tu sais, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Maxime était venu nous en parler ici dans sa chronique « Télécharge quoi ». C'est aujourd'hui donc que l'album qui s'appelle « Tropique du cancer » de Polyp est lancé. On va entendre une pièce tantôt, une nouvelle pièce qu'on n'a jamais entendue ici, qui se retrouve sur leur MySpace. Mais juste avant ça, je vais vous parler un peu de l'album des Trois Accords. C'est leur troisième album studio, Trois Accords. Et puis, ils ont connu plusieurs étapes. Hein. Ils ont connu le grand succès avec leur premier album, la pièce Hawaiian, qui a vraiment été un méga succès, je dirais pas planétaire, là, mais bon, qui a vraiment dépassé les limites de la capacité, je pense, du groupe. Ou en tout cas, ils ont comme sorti un peu de leur gauge, de leur barème avec cette pièce-là, parce que je pense pas que c'est un groupe qui était fait, qui font une musique qui est vraiment faite pour être aussi grand public que ça. Je pense que ça a peut-être nuit un petit peu à leur carrière, parce que c'est sûr que le deuxième album, qui a été beaucoup moins connu, qui a été beaucoup moins joué, la tournée aussi a été plus courte, avec des plus petites pièces, ça a peut-être été un genre de gros débuzz pour eux autres qui leur a fait mal un peu. Mais ils reviennent quand même avec un troisième album, et puis là, je pense qu'ils vont avoir trouvé leur place. Je pense que c'est pas un album qui va avoir un immense succès, mais en même temps, on s'attend pas non plus à cause du deuxième album, on s'attend pas à ce que ce soit un grand succès. Je pense qu'ils vont enfin être à l'aise avec le type de musique qu'ils font, puis leur public, qui est peut-être pas celui qui avait découvert au départ. Donc, sur cet album-là, j'ai trouvé, je l'ai pas écouté énormément parce qu'il est sorti aujourd'hui, donc ça reste quand même une écoute préliminaire. Mais j'ai trouvé que leur son était un petit peu plus mature. Le premier album, le son était, le style de leur musique était assez variant. L'album n'était pas super homogène. Le deuxième, c'était quand même assez rock, même des bouts un peu punk rock. Sur cet album-là, je trouve qu'il y a une certaine maturité, mais en même temps, on retrouve vraiment du côté des paroles l'absurdité et le côté très adolescent des trois accords. Ils ont vraiment pas perdu ça, mais on peut entendre certaines petites influences de rock un peu plus mature, un peu plus new-yorkais, je dirais. On délaisse un peu le punk rock, même les pièces qui sont un petit peu plus rock facile, ben il y a des bons arrangements de cuivre dedans. Je trouve qu'au niveau de la musique, ça l'a mûri un petit peu. Et puis, ben, au niveau des paroles, il fallait là, que ça reste les trois accords. S'ils voulaient garder leur public, là, s'ils voulaient justement pas mélanger complètement leur public, perdre tous ceux qui aimaient les trois accords, il n'y avait pas le choix de rester eux-mêmes, de rester des ados. Finalement, ça reste un album assez constant, assez fidèle aux trois accords, juste avec un petit peu plus d'assurance, un peu plus de sagesse. Je pense que c'est vraiment un très bon album pour les trois accords, mais ça reste quand même les trois accords. Ça dépend si vous aimez ou pas. C'est un genre, tu sais. C'est un genre. Il faut aimer celui des trois accords. C'est une musique qui polarise, qu'on dit, c'est quoi? Polarise. Ouais. Ben, en même temps, c'est pas si polarisant hein, comme musique. Ça reste quand même... Accrocheur. C'est abordable facilement. C'est qu'ils ont des refrains tellement accrocheurs qui rentrent dans la tête instantanément que ça reste accessible quand même. Là. Mm-hmm. Assurément. Assurément. Quel extrait est-ce qu'on va entendre? On va écouter la pièce « Ton pantalon est plein ». Bon, ben c'est tout de suite à Assemblage Requis. C'est tout? C'est tout. Comme ça, juste comme ça. Juste comme ça. Ton pantalon est plein. C'est une pièce qui mâche bien leur son en général. C'est les trois accords. Ton pantalon est plein, ton pantalon est plein de quelqu'un ses polypes de leur album Tropique du Cancer. C'était la pièce Quoi dire. À chaque fois. Ainsi que Régulier qui commence à l'instant. Maudit MySpace, je déteste MySpace. J'ai l'air d'un gars qui déteste MySpace. Je pense que c'est dit. Régulier qui est une pièce qui s'est retrouvée sur leur genre de démo ou EP qui est sorti il y a déjà comme 2 ans qu'on avait ici à C'est Fou. Va se retrouver aussi sur Tropique du Cancer. Ah. Mais les autres pièces de cet album-là étaient soit instru ou en tout cas pas mal toutes construites de façon un peu progressive, assez longue. Les pièces de l'album Tropique du Cancer sont un petit peu plus punchées, comme on a entendu Quoi dire. Et ça reste dans ce son-là. Polype, l'album est lancé ce soir au Lion d'Or à Montréal. Et c'est excellent. Et voilà. Juste pour revenir aussi sur les 3 accords qu'on a entendus avant, avec leur paroles très philosophiques. Le groupe de caca. Exactement. T'as Régulier avec Polype, puis t'as du caca avec les 3 accords. C'est all brand power all the way. Beaucoup de fibres dans la musique des 3 accords. Un petit changement au niveau du groupe. Ils sont seulement 4 maintenant. Le chanteur, qu'on ne savait pas exactement ce qu'il faisait, là, il rôdait toujours sur scène. Il n'est plus vraiment dans le groupe. Il est toujours dans la formation. Là, et je pense qu'il est rendu comme gérant ou directeur de tournée. Là, mais bon, on le verra plus faire semblant de chanter sur scène. Bon, ben, c'est peut-être dommage. C'était cute. C'était le fun. Tu sais, c'est genre le gars que tu voyais, c'était leur ami. Puis ils se sont dit, on peut pas partir un band sans lui. Il sentait mal. Il est gentil, il est drôle. Ouais. C'est comme les frères Goyette, le gars qui gosse une planche de bois en avant. Au moins, lui, ça va quelque chose. Au moins, il faisait quelque chose de très constructif. Puis il bâtissait quelque chose, un peu comme nous, on essaie de bâtir une émission de radio qui se tient, t'sais, si on veut. Ça prend un peu l'assemblage, mais bon. C'est comme une émission du retour à 3 pattes, finalement. Ça balotte. C'est bancal un peu. C'est bancal. Restez là, deuxième heure avec Simon Fitzbay, c'est Mythe du Rock'n'Roll et on va recevoir Émilie Gauthier pour parler de plein air. Restez là. Deuxième heure d'Assemblage Requis, émission du retour sur 3 pattes. Sur 3 pattes. Un nouveau slogan. Oui, on est 3. On est 3 belles pattes, je dirais. Hein? Donc, c'est l'émission du retour. Et puis, c'est Kéwan et Mathieu qui vous parlent en ce moment. Mais il va y avoir une troisième voix qui va s'intégrer à tout ça. C'est comme l'ingrédient que tu attends un petit peu pour l'ajouter. T'sais, dans les 2 recettes, ça dit attendez au moins genre quelques minutes avant de faire entrer un autre ingrédient comme celui de Simon Fitzbay, mettons, et sa chronique sur les mythes du rock'n'roll, Police Dead. Genre, tu comprends un peu pas ce que je veux dire? Tu comprends mon analogie, pas pire? Je pense que c'était clair. Je suis pas très bon en cuisine, pour ça je comprends pas, mais j'imagine que. T'as des grilled cheese, pis c'est tout. Ouais, ben je suis le fromage entre les deux toasts. Là je comprends, ça c'est clair. Hey, si t'imagines ça, quelle sorte de fromage tu penses que tu serais, mettons, c'était un fromage? Moi, je serais du fromage, tu sais, le fromage en tranche blanc qui goûte pas grand-chose comparé au jaune. Qui goûte comme le jaune. Il n'y a pas de différence, c'est juste le colorant qui est différent. Exactement. Niaiseux. Fromage chimique. Ouais. Ben, moi, je voulais vous parler, en fait, d'un homme assez bizarre, merci, qui a réussi à quand même garder un très bon niveau de succès pas mal toute sa vie. Et j'ai nommé Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne! Donc, c'est toujours le prince des ténèbres, en fait. Il s'est fait nommer comme ça. En fait, c'est autoproclamé prince des ténèbres suite à de nombreuses associations avec le satanisme et des choses comme ça. En fait, Ozzy Osbourne, c'est un personnage mythique. Il est à l'origine de plusieurs rumeurs et de mythes qui ont participé à faire du chanteur une légende. Son style de vie freiné ainsi que sa présence sur scène, ça a été la source de plusieurs histoires le concernant, concernant ses habitudes de consommation, mais aussi les croyances qu'avait le groupe original Black Sabbath. En fait, on leur a fabriqué des croyances, on va revenir là-dessus à la fin de la chronique. On va commencer avec une nouvelle insolite qui a paru la semaine dernière dans les journaux. Ozzy Osbourne a été diagnostiqué positif lors d'un test de dépistage du sida, du virus du HIV. Le résultat s'est avéré faux à la suite d'un second test. C'était un test, si on veut, de routine. Dans le fond, il allait chez le médecin, on passait le test de sang. Et ils ont trouvé ce qui aurait été le VIH. Dans le fond, on a refait un deuxième test spécifiquement pour savoir si c'était vraiment le VIH. Et en fait, ce n'était pas ça. Ça s'est avéré faux. Et Ozzy a affirmé le jour où le médecin lui a annoncé son résultat que ça fut le pire de sa vie. Il a expliqué à la presse, en fait, que c'est toutes les années d'alcoolisme et de prenage de drogue, dans le fond, qui ont créé un système immunitaire très, très faible chez Osborne et ce qui a un peu joué un tour au test qui ne prévoyait pas, dans le fond, de tomber sur du sang qui ressemblait un peu au Saint-Laurent au niveau de la toxicité. Justement, parlant de son alcoolisme, ça fait beaucoup partie de l'image de l'homme. Entre autres, quand on le voyait à la télé dans les Osborne, il avait tout le temps l'air un peu chaudasse. Et donc, c'est l'alcool puis un chanteur de heavy metal, ça fait pas toujours bon ménage. Osborne est connu pour son alcoolisme répétitif. Il était tellement atteint qu'il a déjà mis une robe qui appartenait à sa fiancée d'alors, Sharon, et qui, afin de sortir en douce de son hôtel, parce qu'il avait, été ramené du bar. Parce qu'il était trop saoul. Il est rentré dans sa chambre, a pris une robe de sa femme en pensant qu'il allait réussir à sortir. Il a réussi à sortir de l'hôtel en douce. Il s'est fait prendre alors qu'il était au Texas, faut le dire. Il s'est fait prendre à l'extérieur du bar. Il a été arrêté parce qu'il est en train de... il faisait couler sa rivière sur un monument à la mémoire des vétérans de l'Alamo. Donc, il était en train d'uriner, pour ceux qui n'auraient pas compris le subterfuge. Et donc, son alcoolisme qui a atteint son paroxysme en 89, alors qu'il a physiquement attaqué sa femme et gérante, Sharon, toujours. Il a été traité pour son problème d'alcoolisme. Bien souvent, et il semble, je dis bien, il semble maintenant guéri, mais il reste sévèrement atteint physiquement et mentalement. Donc, entre autres, il y a le shake, là, il est tout le temps en train de shaker les mains, et on comprend pas trop ce qu'il dit. C'est vrai. Ouais. Ozzy Osbourne, qui aurait pu aussi s'appeler le Batman. En fait, s'il y a un mythe qui persiste autour d'Ozzy Osbourne, c'est bien celui de la chauve-souris. Tout le monde en a entendu parler. En fait, ce mythe-là est vrai. C'est totalement vrai de A à Z. C'est que lorsqu'il a débuté ses premières tournées, il avait l'habitude de jeter dans la foule des organes internes de porc, entre autres des intestins, du sang, des choses comme ça. Et les fans ont comme adopté cette pratique-là. Ils ont emmené de la viande, de la carcasse, des carcasses d'animaux morts au show pour lancer sur la scène ainsi que dans les gens. Et lors d'un concert le 20 janvier 1982, il y a un fan qui a lancé une chauve-souris vivante sur la scène et Ozzy, lui, pensait que c'était une chauve-souris en plastique parce qu'il n'en avait jamais vu une vraie, évidemment. Et il a pris, il a commencé à y mordre le cou pour y arracher la tête, chose qu'il a fait. Et le soir même, il a été emmené à l'hôpital pour recevoir des traitements en fait contre la rage, puisque les chauves-souris, c'est l'animal qui traîne le plus la rage avec elle. Et donc, c'est une histoire vraie et est encore plus drôle lorsque on sait qu'à sa première rencontre avec les dirigeants de sa maison de disques pour partir sa carrière solo, il avait mis deux colombes en dessous de ses bras dans son manteau pour qu'une fois qu'il lèverait les bras, les colombes seraient sorties. Et il a décidé d'en attraper une et il voulait mimer, dans le fond, de la mort, d'y arracher la tête, mais il l'a fait pour vrai. Donc, la sécurité l'a sorti alors qu'il y avait encore plein de sang dans la bouche de la colombe. C'est très, très drôle. Quand on y repense. Très salubre, tout ça. Ouais. Ouais, c'est... L'alcool a commencé jeune, sûrement. Oui, mais justement, là, avec Black Sabbath aussi, il était reconnu pour être un gros, gros fêteur. C'est pourquoi aussi qu'il a été expulsé du groupe à la fin des années 70. Il n'était plus capable, en fait, de faire des concerts avec le groupe qui, eux autres aussi, consommaient déjà beaucoup, mais lui, c'était à l'extrême. Et donc, il n'aimait pas vraiment ça. Il pouvait faire juste une tourne avant d'aller pisser. Oui, exactement. Ben, il se faisait appeler par son équipe de tournée quand il a commencé sa tournée solo, en fait. Il appelait les soirs de spectacle Night of the Living Dead, dans le fond, la nuit du mort vivant, parce qu'il se demandait comment il faisait pour être sur scène à tel point il était intoxiqué. C'est vraiment, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on va aller écouter une pièce de Black Sabbath, justement, qui a rapport avec la drogue. La pièce se nomme Snowblind et ça fait référence à la cocaïne. Et c'est direct, on le dit même dans le refrain. Donc, ce qui était tiré de l'album Volume 4, Snowblind de Black Sabbath. Et on continue tantôt la chronique pour les Dead avec sur... un petit bout encore. Ozzy Osbourne, assemblage requis. What you get and what Ozzy Osbourne et Black Sabbath, la formation originale qui jouait dans le fond la pièce Snowblind tirée de l'album Volume 4, dont l'année m'échappe malheureusement, mais très bon album de Black Sabbath, une pièce qui parlait de leur consommation de cocaïne. Et saviez-vous que Black Sabbath, justement, lorsqu'ils étaient en tournée, avait un gars qui avait une valise dans les mains, qui les suivait partout, une valise attachée après son poignet avec des menottes, et dans cette valise, il y avait de la cocaïne. La valise était remplie de cocaïne. C'était le préposé à la cocaïne. Exactement. Lui, il faisait juste ça. Il était payé pour ça. Et après toutes les shows, les autres se retrouvaient autour d'une table. Il faisait des lignes de cocaïne pour une bonne partie de la soirée. Des paragraphes, disons. Exactement. Des paragraphes. Continue ta chronique Paul is Dead sur Ozzy Osbourne. Chronique Paul is Dead sur Ozzy Osbourne. Donc, maintenant, on est rendu un peu à ce qui entoure Black Sabbath. Le premier mythe qui concerne Ozzy Osbourne, le tout premier qui est sorti, en fait, c'est sur le groupe au complet. Ça vient de la Genèse. Alors, il n'y avait même pas encore d'album de sortie. Et ils sont allés à une fête païenne au Stonehenge en Angleterre, puisqu'ils viennent d'Angleterre. Et ils se sont fait jeter un sort par des adorateurs du démon. Et... même s'ils parlaient de diable et de choses lugubres quand même dans leur pièce, ça les a pas fait triper. Fait qu'ils sont allés voir le père du guitariste Tony Iommi qui travaillait le métal et ils se sont fait faire des petites croix en bronze qu'ils ont toujours dans le cou. Encore aujourd'hui, Ozzy porte la sienne et leur nom écrit dessus. Et ces croix-là ont été bénites pour éloigner le démon. Donc, lorsqu'on dit que Ozzy est démoniaque, c'est pas très vrai. Mais d'ailleurs, si on regarde dans sa maison, il y a des crucifix partout. C'est un gars qui a peur de l'obscur et du lugubre et du démon et du malin. Donc, il faut pas juger. Ouais, c'est ça, exactement. Il fait de l'argent avec le démon, mais il a peur de lui. Donc, c'est un deal à deux volets. Alors, quoi qu'il en soit, Ozzy Osbourne, avec les histoires vraies qui l'entourent, parce que tout ce que j'ai dit aujourd'hui est vrai, c'est une véritable icône du rock et représente le style de vie que seuls les plus grands et les plus tordus du genre peuvent avoir. Son sang est maintenant plus pollué que le fleuve Saint-Laurent. Et ces tics qui sont signes d'une longue vie de débauche ont fait rire et connaître l'excentrique personnage à une nouvelle génération grâce aux médias de la télé-réalité. Faut dire que les Osbourne, ça a été le premier reality show fait avec une famille célèbre. Plusieurs l'ont imité par la suite, mais ça a été les premiers et les plus populaires. Et Mathieu, tu me parlais pendant qu'on écoutait la pièce d'un show qu'il y avait eu avec les Osbourne, un variety hour. Ils ont essayé de revenir avec les Osbourne vu qu'ils savaient que ça avait des codes d'écoute dans le temps, l'émission de télé-réalité. Donc, ils ont ramené un variety show comme dans les années 60-70, là, avec, dans le temps qu'il y avait des vedettes qui faisaient avec leur famille une petite avec émission les Osbourne, de sketch. Genre des choses comme ça. Genre Sonny and Cher. Donc, ils avaient ramené ça avec la famille. Puis, il y avait des petits sketchs, de la petite musique, des artistes country, des trucs comme ça. Ça a été un flop total. Ça m'étonne pas. Mais justement, ils disaient, je suis allé voir sur Internet, ça disait que c'était Ozzy qui allait imiter les gens. Puis, je l'imagine mal imiter. À sa façon, tu sais. C'est plus les gens qui l'imitent. Tout. Ouais, c'est ça. Il est facile à imiter, juste à se mettre à shaker et à dire n'importe quoi, puis ça marche. C'est vraiment génial. Ouais. Donc, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a dit, il va rester une des plus grandes figures du métal, mais aussi du rock and roll en général, pour encore plusieurs générations. Puis sa légende, grâce à tout ça, la légende va lui survivre longtemps après son trépas. Ça ne m'étonnerait pas que dans 100 ans ou même 200 ans, on connaisse encore le nom de Ozzy Osbourne, non pas pour ce qu'il a fait récemment, mais pour tout ce qu'il a connu dans sa carrière. C'est quand même une carrière... Il célèbre ses 40e année de carrière avec Black Sabbath, sa carrière solo aussi qui a suivi. C'est quand même pas trop pire. À 60 ans, par exemple, commence à être temps, peut-être qu'il accroche ses patins. Donc, voilà. Au figuré, oui. Voilà, c'était ma chronique pour cette semaine et j'ai bien hâte de revenir la semaine prochaine. Merci, Simon. Merci beaucoup. Moi, je dis que Ozzy Osbourne, l'homme est un mythe puis je crois qu'il n'a jamais existé. Moi, je suis sûr que Ozzy Osbourne, c'est un... On l'a jamais vu en personne. Hein? L'as-tu déjà vu en personne? Non, moi, jamais. Non? Non. Je pense que, si je ne l'ai pas vu, c'est que ça n'existe pas. Aha. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. C'était beau comme petite analogie religieuse. Donc, merci beaucoup, Simon Fitzbé. Merci beaucoup à vous autres. Puis à la semaine prochaine. Mardi prochain. On retrouve toutes les chroniques Paul is Dead sur le site de C'est Fou en balado diffusion au www.cif.ca. Et puis, Simon Fitzbé a un blog qui est au un univers fait de platine. blogspot.com. Mais les articles sont sur assemblagerequis.com aussi. Donc, cherchez et trouvez pour être le slogan. Oh oh! Tout à l'assemblage requis jusqu'à 17h. Tantôt, il y a Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Oui, ça s'en vient dans quelques minutes, mais pour l'instant, on va aller en musique avec le groupe L'Indice et la pièce Ton cœur aujourd'hui. Assemblage requis. Moi, je dis qu'assemblage requis, ça n'existe pas. J'ai jamais entendu ça, moi. De flocons de dinde, un petit peu de mayonnaise, puis deux tranches de pain. Voilà ton action de grâce. C'est comme ça que t'as fêté l'action de grâce. Ça. Vraiment. Là. Mais quand même. C'est vraiment. C'est important de célébrer la fin des récoltes, je pense. Ouais. Mettons. Disons que je remercie le congé. Assemblage requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées. Et là, on devait pas revenir. On retourne en musique. T'sais. Ben oui, on retourne en musique avec Sunset Dropdown et la pièce Idiot Heart, juste avant de recevoir Émilie Gauthier. Oui. Avec la chronique plein air. Sunset Dropdown, coucher de soleil, frottage, rambo. Around. And we can't can settle down until the idiot and your money settles down. So move around. Look at you go. Look at you go. Idiot Heart de Sunset Dropdown, c'est la position numéro 12 du palmarès anglophone cette semaine, assez fou. Et restez là parce qu'après la pause, c'est la chronique plein air d'Émilie Gauthier. En deux minutes, là, c'est là. Jusqu'à 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. C'est toujours assemblage Rocky avec Kiwan et Mathieu, c'est ça que l'annonceur dit, donc c'est vrai. C'est vrai, mais en plus, il faut ajouter la présence d'Émilie Gauthier qui est ici pour nous parler de plein air. Attention! Hey, bonjour Émilie Gauthier! Hello, hello! Cela va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, heureux de te recevoir pour parler plein air, comme à chaque semaine. Oui, puis il mouille pas aujourd'hui! Hey! C'est la première fois! Disons que notre moyenne n'est pas très bonne là-dessus. Hein? Non, pas vraiment. T'amènes la pluie, on t'aime pas vraiment finalement. Viens pas. Bye! Bye! donc aujourd'hui, tu commences avec la fête de l'automne. Oui, ben il paraît que c'était censé être la semaine passée, mais vu les mauvaises prévisions qu'il y avait la fin de semaine passée, ils l'ont reporté à samedi le 17 octobre. C'est une bonne décision. Oui, vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est de midi à 16h, c'est une petite fête familiale, dans le fond, comme celle qu'il y avait au Parc Saint-Quentin. C'est une activité plein air offerte gratuitement par la ville de Trois-Rivières. Puis c'est une fête qui est organisée dans le cadre de la semaine territoriale des saines habitudes de vie. Ah, la nam-blam-blam-blam-blam-blam. Donc, plein air. Habitude de vie. Habitude voilà. de vie. Puis plusieurs activités, jeux, surprises qui vont être tout au long du sentier de ski de fond de Châteaudun. C'est dans le secteur du Cap de la Madeleine. De la poutine? Châteaudun? Poutine? Non, Châteaudun, non, c'est, non? C'est pas ce mode de vie-là dont on parle ici. Alors, je comprends fait. Pas. Ouais, si on parle pas de poutine, je sais que toi, des fois, ça me passe, c'est loin de ta réalité, mais... Non, mais je sais pas où juste, par contre, où le sentier Châteaudun au Cap, mais c'est au Cap. Ils disent qu'on peut accéder, on peut y accéder au coin des rues Saint-Laurent et rue Radnor. Je connais pas le secteur du Cap, mais de toute façon, il y a un chemin Google Maps en lien sur sortiratroisrivieres.com. Ah! Donc, ce serait pas très loin, je pense, de l'usine Marmen sur le bord de l'autoroute, là, pas mal dans ce coin-là, je dirais. Je suis bar même. Mais ouais, allez googliser ça, je pense. Google mapper ça. J'ai pas trop d'informations sur les activités qui sont là. Le site n'était pas très complet, puis j'ai pas réussi à rejoindre personne directement au téléphone. Mais c'est une petite activité familiale dans les sentiers, donc ça doit être des petits jeux, des petites activités. On sait que ça a lieu. C'est ça. C'est le fait. Et donc, c'est samedi. Samedi de midi à 16h, c'est gratuit. Ça coûte rien en plus. No. Belle fête familiale, ça vaut la peine. L'automne commence, ça va être tout cute dehors. Hein? Voilà, plein de feuilles pour sauter dedans. Je vois ton sourire, Mathieu. Tu aimes sauter dans les tas de feuilles. Je saute dans n'importe quoi, moi. N'importe quel liquide solide. Peu importe. On passe au parc des chutes Sainte-Ursule. Oui, ben c'est un peu comme le parc de la Mauricie la semaine passée. Le parc des chutes Sainte-Ursule, il promouvoit la conservation et l'interprétation de la faune et la flore. Fait que, ça, c'est un peu un parc national, mais en miniature, si on veut. Premièrement, au pavillon d'accueil, on retrouve une exposition permanente des différentes espèces d'arbres qu'on retrouve au Québec, des différentes espèces d'oiseaux de la région, puis il y a certains guides d'interprétation de la nature aussi. Puis on y retrouve des explications des sentiers pédestres, différentes activités qu'on peut retrouver sur le site des du parc des chutes. Qui est aux chutes au pluriel, trait d'union STE, trait d'union Ursule. Ils sont vraiment beaucoup aidés sur l'adresse Vraiment. Standard pas mal comme lui. Apparemment, il y a une chute aussi au parc des chutes, mais bon. C'est... Ouais. Je pense que oui. Ben. J'imagine que oui. Mais sur le sentier, dans le fond, là, qu'est-ce qu'on retrouve là? Il y en a plusieurs. Il y en a plus qu'un. Il y a plusieurs sentiers disponibles. J'imagine qu'il y a différents degrés de difficulté. Le site n'est pas très complet encore là. On peut suivre la rivière Masquinongée ou on peut découvrir la forêt. Il y a un milieu humide. Il y a une forêt de conifères variés où on retrouve plusieurs espèces de champignons. Il y a une forêt mixte, puis il y a une panoplie d'espèces d'oiseaux à observer. Puis récemment, un pont suspendu a été installé au-dessus de la rivière. Dans le fond, ça donne une magnifique vue sur les chutes. Une vue imprenable, comme ils disent dans le domaine. Hein, ça. Tu peux pas la prendre du tout. Imprenable. Imprenable. Toujours trouvé ça bizarre comme mot. Hein? Imprenable. Je Je pense que ça vaut la peine parce que c'est des chutes qui sont d'une hauteur de 170 pieds. Dans le fond, c'est 30 fois toi et moi, Mathieu. Là. 30 fois toi et moi ensemble ou 30 non, fois non, juste individuellement. Toi? Non, juste toi ou juste moi. Chacun ou son bord. 15 là. Fois nous deux ensemble. OK, 15 fois nous deux ensemble ou 4 fois nous deux divisé en deux. Voilà, si Mathieu. Si mettons nous deux, on a le haut et le bas. Je vais continuer. Mais bref, c'est quand même une grosse chute, là. It's a big shoot. Ouais. Oui, c'est ça. C'est, je pense que c'est assez impressionnant. Là. Il disait que c'était une des plus hautes au Québec. Ah. Il y a 180 tables de pique-nique disponibles, puis il y a un petit service de restauration. Fait qu'on peut apporter notre lunch ou... Ou Mathieu, parce que là, ça vient de m'inclure là-dedans. Voilà. Je pense tout le temps à toi dans mes chroniques, Mathieu. Je sais que t'aimes ça. Puis, c'est ouvert de tous les jours de 9h à 17h. On doit prévoir environ 45 minutes à partir de l'université pour s'y rendre. Il y a un tarif de 5 personnes par adulte. Tout l'argent, ça va directement à l'entretien. Chaque personne doit amener 5 personnes, c'est ça? 5 personnes par adulte. 5 $ par adulte. Merci, Mathieu. D'accord. Fais plaisir. C'est ça. Tout l'argent, ça va directement à l'entretien puis au développement du parc, étant donné que les employés sont bénévoles puis c'est un organisme à but non lucratif. Ah! Donc ça, c'est le parc des chutes Sainte-Ursule. On rappelle, l'adresse est chute au pluriel, tradeunionstetradeunionursule.com. Oui, c'est ça. Et là, t'as un petit conseil de maman. Toi, ouais. t'as ma petite maman. Oui, je me sentais maman tantôt parce que j'ai écouté une nouvelle un matin puis encore quelqu'un qui s'est garé en forêt. Heureusement, il était capable de retrouver son chemin le lendemain, mais il aurait pu se perdre puis pas être retrouvé à c'est temps. Ça. C'est poche, là. C'est vraiment plate. Là. C'est vraiment le mot qu'on utilise dans ce genre de situation-là. C'est poche. Oui, ton fils est mort, c'est poche. C'est triste. D'accord. Fait que mon petit conseil de maman aujourd'hui, là. Pensez à vous faire une petite trousse de survie quand vous partez, là. Ah, on met quoi dans cette trousse-là? Ben, une petite boussole, des vêtements chauds si vous avez passé la nuit, un petit peu de nourriture, un peu d'eau. Puis surtout, là, avertissez quelqu'un que vous partez faire en donner, puis à quelle heure que vous prévoyez revenir. Même si vous êtes comme seul ou deux, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est à la maison qui peut s'inquiéter si vous vous perdez. Puis, c'est juste comme que quelqu'un soit là s'il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Très bon conseil. Un petit peu de des barres granules. Oui. Ça t'a fait longtemps. Mm-hmm. Trail mix aussi. En plus, il y a beaucoup de fibres là-dedans, donc... Amenez votre rouleau de papier de toilette aussi. Ah, c'est un conseil. Des Kleenex ou rouleau de papier de toilette, c'est toujours une bonne idée. Qui dit fibre, dit papier. Oui. C'est oui. C'était mon petit conseil de maman du jour. Oui, du petit conseil de maman, de pas tout. Ouais. C'est tellement le fun. Merci, Mini Gauthier. Mais ça fait plaisir. Ah, les chroniques des Mini sont sur le cif.ca aussi. On va à la diffusion, donc rendez-vous là-bas pour télécharger les chroniques passées. C'est les chroniques plein air des Mini Gauthier. On se retrouve mardi prochain. À la prochaine. Bye. Ok, attache ton foulard. Elle dirait aussi de te mettre une ficelle après tes mi-temps. Si jamais tu y vas l'hiver. Attachez bien votre tuque aussi. Avec de la broche. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées. On continue en musique avec... en fait, on vient tout juste de recevoir ça. Je crois que c'est cette entrée en début de semaine. Ben oui, on en parle depuis quelques semaines quand même. Déjà, le nouvel album de We Are Wolves qui est disponible depuis la semaine dernière, je crois, en magasin, qui s'appelle Invisible Violence ou Invisible Violence, c'est selon. On va écouter la pièce Paloma de cet album de We Are Wolves. À Assemblage Requis! 89 FM! We Are Wolves et Paloma de leur album Invisible Violence ou Invisible Violence, We Are Wolves ou Nous Sommes Loups, Assemblage Requis ou Some Assembly Required. Faisons de C'est fou, it's crazy that! Crazy that! Motherfucker! Oh, là, par contre, Mathieu, je devrais te remettre à l'ordre okay. et te dire de te calmer un petit peu. Voilà, c'est fait. Merci, Kiwa. On peut poursuivre. Voici Vanessa Parietaire et le filet et l'abîme sur le palmarès francophone de C'est fou! C'est l'assemblage requis, c'est 89 FM, c'est fou! Je fais tout seul ici. Vanessa Parietaire et le filet et l'abîme, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou. Ça monte sans cesse, ça, Vanessa Parietaire. Je crois que c'est en deuxième position en ce moment, donc ça monte vite. Oui, exactement, c'est la deuxième position du palmarès francophone. Je fais ça par cœur. L'émission est presque terminée pour aujourd'hui, Mathieu. Oui, c'est déjà la fin. Oui, peut-être juste le temps de vous mentionner parce que c'est le deuxième mardi du mois. Donc, comme tous les deuxièmes mardis du mois, c'est les soirées Kino 3R à la Galerie L'Appart. La Galerie dans l'Appart, oui. Sur la rue Saint-Antoine, ne manquez pas ça. Vraiment une très bonne soirée de court-métrage, les soirées Kino. c'est les deuxièmes mardis du mois. Et sinon... Sinon, ben restez sur nos ondes parce que la dernière porte à gauche suit et c'est Kiwan, donc il va rester avec vous pour 2 heures ce soir. Oui, parce que Sébastien Duluth ne sera pas là pour animer son émission Étal Mixte, donc ça va être 2 heures de dernière porte à gauche cette semaine exclusivement. Pour de la musique en émergence francophone. Oui. Puis ensuite, reste la soirée... Serge Nadeau. Croque révélé à 19h. Puis réanimation avec le docteur Pendragon à 21h. C'est votre soirée assez fou. Nous, on se retrouve demain à 15h. On va être mercredi, donc on va avoir François Landry. Et Sébastien qui devrait être là. Oui, on croit que Sébastien va être là pour parler de sorties culturelles alternatives. C'est demain à 15h. Et puis demain aussi, il y a la pilule du lendemain à 7h avec Marc et Sylvain. Et le dîner de con que je vais animer avec André Baudet demain entre 11h et 13h. Donc ça va être spécial, ça. Wow. Ça va être un autre environnement, une autre corde à mon arc, si on veut. Hein? C'est... hein? J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi. comme une pointe de questionnement là-dedans. On se quitte avec la musique des Flaming Lips. C'est une autre nouveauté de Kiwan cette semaine. Ça, on n'a pas eu le temps d'en parler tantôt, mais c'est un nouvel album de Flaming Lips qui sort aujourd'hui. On va écouter la pièce Convinced of the Hex. Donc voilà, The Flaming Lips, un groupe culte qui existe depuis très longtemps, une vingtaine d'années. Je pense que c'est comme leur 12e album, quelque chose comme ça. On va les écouter, parce qu'il reste juste ça à faire aujourd'hui. C'est écouter The Flaming Lips. Rien d'autre. C'est épuisé. Notre ressource inépuisable de contenu est maintenant épuisée. Mais elle sera remplie tout à l'heure. À demain. À demain, Mathieu. Non. J'approuve pas ce commentaire. Tu seras pas là demain? Non, je vais être là demain. Deux fois plutôt qu'une. She dominates. She gets out of her head. As she talks to the ceiling, you can hear what she said. She said, that's the difference between us. That's the difference between us. That's the difference between us. You see, that's the difference between us. That's the difference between us.